السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc avant de commencer, de débuter le dars, je tenais à présenter mes excuses par rapport à mon absence du lundi dernier. Donc, par des causes de déménagement, j'ai pas pu donner cours et je m'en excuse par rapport à cela. Et Inch'Allah, on va tout faire pour que c'est dans la mesure du possible, pour que cela ne se reproduise plus, Inch'Allah. Car elle est parmi les causes aidant à l'acquisition de la science, la continuité. La continuité, al-istimrar. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن les œuvres, il est dit dans ce hadith, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles dans lesquelles la continuité est observée. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولسائر المسلمين التوفيق في القصد والعمل وأن لا يشغلنا عن العلم والعمل به أي مشاغل. Donc procédons à la révision, Inch'Allah. Donc le thème du cours de la semaine dernière, il a tourné autour des conditions de la prière et de certaines de ses annulations. Et on a plus particulièrement, quant aux annulations, on a pu évoquer les endroits qui annulent la prière. Celui qui prie dans certains endroits, il peut voir sa prière annulée. Et avant qu'on évoque ces endroits qu'on a pu voir dans la semaine dernière, sachez que le asl est qu'il est permis à tout musulman ou musulmane de prier dans n'importe quel endroit où il se trouve au moment où vient l'heure de la prière, jusqu'à la preuve de contraire. Et la preuve en est par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ثم أينما أدركت الصلاة فصلي فيها متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: وكذلك يعني جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Ces deux hadiths sont متفق عليه, dans lesquels il est dit où que tu as attrapé la prière, prie à cet endroit. Et dans le second hadith, il dit النبي صلى الله عليه وسلم la terre tout entière est un lieu de prière et une purification. Donc ces hadiths nous prouvent qu'à la base la terre, ces lieux et ces endroits sont tous des lieux de prière, excepté si une preuve affirme le contraire. Et donc parmi les lieux qu'on a pu voir qui affirment le contraire la semaine dernière, on a pu voir certains endroits. Est-ce qu'une personne peut nous évoquer les endroits qu'on a évoqués dans la semaine dernière qui annulent la prière? On avait vu 4 endroits. Donc l'eau de chameau, naam. Al-hammam. Wakadhalika, il manque 2 endroits. Al-qabr, naam. Al-qabr, yashmal as-salat fi al-maqabir wa salat. Le fait que tu pries dans les cimetières ou vers les cimetières, à l'exception de Salat al-Janaza. Salat al-Janaza, il y a une preuve qui nous est venue, qui nous indique qu'il est permis de prier après que le défunt a été enterré, à un endroit où il a été enterré, c'est-à-dire dans les cimetières, en mettant la tombe du défunt entre toi et la Qibla. Baqiya, il manque un endroit. Al-Hash, al-Makin al-Lati, ut-Tukhidat. L'ilbol, وكذلك للغايت, les endroits, comme on peut dire maintenant, les WC. Et un dernier point que je ne vous avais pas cité, ou un dernier endroit que je ne vous avais pas cité, c'est le kanisa, les églises. Je ne voulais pas citer la semaine dernière parce que ce sujet-là, c'est un sujet de divergence entre les ulama. Ce n'est pas tous les ulama qui sont unanimes sur le fait que le fait de prier dans les églises, ça annule la prière. Je ne l'ai pas évoqué car c'était un sujet de divergence, mais j'ai vu que il était bon que je l'évoque dans ce cours-là. Parce que, comme on va le voir, Inch'Allah, la vie prépondérante dans cette mas'ala, dans ce sujet-là, est qu'il est interdit de prier dans les églises. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Il voit que celui qui prie dans une église, sa prière, elle n'est pas acceptée. Et on peut appuyer sa position par la parole d'Allah Azzawajal qui dit « La taqum fihi abada ». Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il prie dans cette mosquée, qui est Masjid al-Darar, car elle a été prise, pour lutte contre le sentier d'Allah Azzawajal, pour mécréance, et comme lieu qui refuge ceux qui combattent Allah Azzawajal, Et il y en a parmi un des justificatifs qui est présent dans le Masjid al-Darar et dans le Kanaï, c'est la mécréance. Et comme c'est ma'rouf, il y en a dans les kutub de usul, à partir du moment où un des justificatifs, si jamais on la retrouve, il y en a dans une autre chose, ça suffit pour que cette chose-là, on puisse y en lui donner le même jugement. Même si jamais les quatre justificatifs qui sont présents ou évoqués dans l'interdiction de prier dans le Masjid al-Darar ne sont pas tous évoqués dans les canaïs, dans les églises, il suffit juste y en a d'un justificatif qui est la mécréance, qui est tout aussi évoqué dans le Masjid al-Darar, pour qu'on puisse y en joindre le même jugement aux canaïs, y en a aux églises, qu'il est y en a pour le Masjid al-Darar, parce que la mécréance est présente. Ou al-mas'ala fiha khilaf, tamam, et ou Allah alam, ça c'est l'avis qui est prépondérant, inshallah. Qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, la taqum fiha abada. Et parmi Kardali, quand on a vu, on a pu voir que les conditions de la prière, ou celles qu'ils ont été évoquées la semaine dernière, ils étaient au nombre de 7. On a évoqué 7 conditions qui annulent la prière si elles ne sont pas observées. Qui c'est qui peut nous rappeler ces conditions-là? L'islam, naham, ça fait 1. La raison, l'aql, 2. Et voilà, le tamiz, il y a quoi le mot 3. Le tamiz, et voilà, le symptôme. Baqiya. Hadihi salasa. Les trois conditions que vous avez évoquées, qui est l'islam, l'aql, le tamiz, ces trois conditions-là sont toutes des conditions qui sont requises, yani, dans toutes les adorations. Dukhul al-waqt, naam, baqiya thalatha. Dukhul al-waqt, ça c'est une condition qui est khas à la salah. Mais les trois présents, les trois précédents, c'est une condition qui est générale, absolue. Kashi al-awra, baqiya itnayn. Et yani, dans l'awra, ça rentre dedans, kazalika, j'ai oublié de l'évoquer. Il y en a tous vêtements qui sont transparents, auxquels on peut voir, il y en a à travers ces vêtements, il y en a la peau de la personne qui porte ces vêtements. Il y en a ça, on ne peut pas dire qu'il y en a anna hada shakhs, il y en a satara al-awra. Et naam, état de pureté, il y en a at-tahara, propreté du makan. Wal-abdan. Il y en a que ce soit les lieux, ou bien que ce soit nos corps kadalika, ils doivent être, barakallahu fikum, il y en a propre. Il n'y a pas à avoir de neige à ça. Sur cela. Barakallahu fikum, ahsantum ala l'ijaba. On s'est arrêté à 7 conditions. Inch'Allah, al-yawm, on prend la 8e condition qui est istiqbal al-ka'ba. Qala rahimahullahu ta'ala, bab istiqbal al-ka'ba. Yani, bab ittikhad al-ka'ba qiblatan. Lianna min ma'ani alif sin ta. إذا دخلت على الفيع يعني يكون بمعنى اتخذ أي ça a pour sens dans la langue arabe يعني استقبال الكعبة de prendre pour orientation la كعبة يعني الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى nous dit أو حفظه الله nous dit la كعبة a été nommée قبلة car c'est vers cette direction que les musulmans s'orientent. قال الله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Tourne ton visage, oriente-le, prend pour orientation, direction, la mosquée sacrée. Wal-Ka'ba, hiya ma'rufa 'indakum, elle est bien connue auprès de tout le monde. C'est l'édifice que Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhimus salatu wassalam, ont élevé, yani les fondations. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa id yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismaïl. Et rappelle-toi, ya Muhammad, quand Ibrahim et son fils Ismaïl élevaient les fondations de la maison. Il y en a qui est Al-Ka'ba. Al-Muslim, lorsqu'il s'oriente vers Al-Ka'ba, il est important qu'il sache qu'il s'oriente vers un lieu sacré. Un lieu qui est grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Alayhi as-salatu wassalam. Car naam, cet édifice, cette noble demeure, n'est pas un lieu comme les autres. Lorsque tu souhaites prier ayyuha al-Muslim, lorsque tu t'orientes ou lorsque tu orientes ton corps, ton visage vers ce lieu sacré, il est bon que ton cœur, kazalika, il sache que naham, que son corps, il s'est orienté vers l'endroit qui est le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ahabbul bilad ila Allah. Les endroits les plus aimés auprès d'Allah Azzawajal sont les mosquées. Et les musulmans, yani, ils ne divergent pas sur le point que le Masjid al-Haram, yani, c'est le lieu le plus sacré. est la plus vénérée des mosquées. وقد قيل ما رأى المؤمنون صوابا فهو عند الله كذلك صوابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني ce que les croyants voient qu'il est juste, comme c'est le cas pour Al-Masjid Al-Haram, ils sont tous unanimes que c'est la mosquée la plus sacrée, l'endroit le plus vénéré يعني sur terre. تمام. يعني cet avis qui voit يعني les musulmans par unanimité est aussi auprès d'Allah عز وجل, car le prophète صلى الله عليه وسلم il dit لا تجتمع أمتي على ضلالة. Ma communauté ne peut converger vers un égarement. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عظم البقاع التي هي قبلة المسلمين إنك أن يخاطب الكعبة إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا قومك خرجوني لما خرجت من عندك يعني بالمعنى. والحديث يعني عند الإمام مسلم رحمة الله عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous montre dans ce hadith authentique l'énorme attachement qu'il avait pour ce balad, qui est la direction des musulmans, Al-Ka'ba. Il dit, certes, tu es l'endroit le plus aimé auprès de moi, si ton peuple ne m'aurait pas expulsé, jamais je ne t'aurais quitté. Le musulman, lorsqu'il s'oriente vers ce lieu, il lui revient qu'il vénère ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, alayhi salatu wassalam, ont vénéré. Et cette recommandation s'accentue lorsque le musulman sait que ce lieu-là, yani c'est un lieu sacré. والله سبحانه وتعالى يقول ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Et voilà ce qui doit être observé, et celui qui prend en haute considération ce qui est sacré auprès d'Allah عز وجل, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. أيها الأحبة, يعني parmi les choses appuyant la grandeur et la haute considération de ce lieu, c'est yani kazalika la multitude yani de noms. Et ça yani chez les Arabes, c'est une chose qui prouve la grandeur de cette chose-là. Lorsqu'une chose a plusieurs noms, cela prouve yani que c'est une chose yani qui est importante et grande. Comme l'évoque l'imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dit toutefois où la chose aura une multitude de noms, cela accentue qu'elle est d'une grande importance yani dans l'islam. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit yani fait partie des noms de la Kaaba, yani le lieu qui est pris comme direction yani, pour la salah. Parmi ces noms-là, yani, il a évoqué 18 noms. Cela nous prouve, avec les preuves qu'on a pu évoquer avant, que yani, Al-Ka'ba, c'est une chose yani, qui est vraiment yani, d'une haute considération. Parmi ces noms-là, Mecca, Bakka, Al-Bayt al-Haram, Al-Masjid al-Haram, Al-Bayt al-Atiq, Al-Balad al-Amin, Umm al-Qara, Salah, Al-Qadis, Al-Arsh, الحاطمة النساسة الرأس الكوفي البينة أم الرحيم والمأمون. Tous ces noms-là sont des synonymes de Al-Ka'ba. Donc ceci nous prouve la grande importance de cette Qibla, car comme l'a dit l'imam Suyuti, à chaque fois qu'une chose aura une multitude de yani de noms ou plusieurs appellations, cela nous prouve l'importance de cette chose-là, comme c'est le cas pour Al-Ka'ba. Comme l'a évoqué l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, elle a 18 yani, appellations. Ce lieu sacré, faut savoir que c'est le premier lieu de culte yani, qui a été édifié sur la terre, afin que les croyants yani, y adorent Allah subhanahu wa ta'ala en commun, parmi les multitudes yani, d'actes d'adoration tels que salah, al-hajj, wal-i'tikaf, al-tawaf, wal-sa'i, wa ghayr dhalika yani min al-ibadat, comme l'a évoqué l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Yani dans l'annotation qu'il a fait après le verset dans lequel il est dit inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah al-aya. Certes, la première demeure qui a été édifiée est celle qui est bénite, qui est située à Bakkah. Wa Bakkah, comme on a pu voir, c'est un synonyme ou un nom parmi les noms d'al-Ka'ba, yani Bakkah, yani Mecca. Sumiyat al-Ka'ba Bakkah li'anna an-nas yatabakun. Ashma'na yatabakun ay yatazahamun. Quant à la personne qui a en premier édifié Al-Masjid Al-Ka'ba, yani, aucune preuve ne permet de trancher sur cela. Certes, il a été dit, yani, les premières personnes à avoir construit Al-Ka'ba, c'est les anges. D'autres disent, yani, c'est Adam, alayhi salam. D'autres personnes ont dit, yani, c'est Ibrahim, alayhi salatu salam. Fallahu a'lam bi yani, awwal man banaha. Yani, on n'a pas de preuve qui nous prouve cela. Donc, yani, العلم عند الله عز وجل. Mais ce qui est sûr, yani, c'est que c'est Ibrahim et son fils Ismaïl, alayhi salatu wassalam, qui ont élevé yani, les fondations de cet édifice. Yani, ceci yani, n'était qu'une intro afin que nos cœurs prennent, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, en haute considération yani, ce grand lieu qui a été choisi pour accomplir cet immense pilier qui est As-Salah. قال رحمه الله تعالى إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة il nous dit Cheikh Al-Albani lorsque tu souhaites mon frère musulman prier et là yani, remarquez le terme qui a été employé ici par Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى il dit أيها المسلم yani, cela afin d'attirer notre attention sur la condition majeure qui est une condition requise et absolue yani, pour que la prière soit valide qui n'est autre que la condition qu'on a pu voir la semaine dernière, qui est l'islam. C'est pour ça qu'il a dit « Il a qumta ayyuhal muslim ila salah » yani pour attirer notre attention sur la première condition qui est la condition absolue et majeure, qui est l'islam. « Qala fastaqbil al-ka'bata haythu kunta fil fard wa al-nafl » Lorsque tu souhaites prier, oriente-toi vers al-ka'ba où que tu sois. Que ce soit yani parmi dans les prières qui sont obligatoires ou les prières qui sont surérogatoires. قوله فاستقبل القبلة أو الكعبة شيخ سي يعني لا employé le verbe استقبل يعني sous la forme impérative car يعني le fait de s'orienter vers الكعبة والقبلة c'est un ordre يعني qui est imposé à tout musulman lorsque vient يعني l'heure de prière ou que le musulman souhaite s'approcher d'Allah عز وجل بالنوافل il lui est imposé qu'il prenne comme direction Al-Qibla, c'est pour ça qu'il a utilisé ici fastaqbil, yani un verbe à la forme, sous la forme impérative, yani al-amr, afin que la personne sache que ceci est un ordre imposé et qui est un wajib. Donc celui qui délaisse volontairement cette direction aura commis un péché, car c'est un ordre, un wajib. Et il sera exposé kazalika au châtiment avélissant d'Allah Azzawajal le jour du jugement dernier s'il ne se repent pas de cet acte. La preuve nous indiquant son obligation est le kitab, la sunna ou l'ijma'. قال الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة Où que vous soyez, orientez vos visages vers sa direction. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لموسي صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة متفق عليه Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsqu'il enseigna la prière à celui qui ne savait pas bien la prier, il lui dit lorsque tu veux prier, accomplis parfaitement les ablutions, puis oriente-toi vers Al-Qibla. La forme verbale qui a été utilisée, istaqbil, elle est dans ses preuves que ce soit dans la ayah ou que ce soit dans ce hadith, c'était un verbe à la forme impératif qui a pour sens auprès des relamas du usul qu'elle est un wajib. Parce que la forme impérative a été utilisée pour cela. Ajoutez à cela, au dalil du kitab de la sunna, que les savants sont tous unanimes, que le fait de se rentrer vers Al-Qibla, c'est une condition qui est requise. Donc on a trois preuves, le kitab, la sunna et l'ijma', qui nous prouvent que le fait de s'orienter vers la Qibla, c'est une condition qui est requise pour la validité de la salah. Qawluhu في الفرض والنفل فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل يعني prends la Kaaba comme direction où que tu sois que ce soit dans les prières obligatoires ou surérogatoires mais cela yani, c'est pas d'un ordre général car comme on va le voir inshallah la Qibla n'est pas conditionnée yani, à toutes les prières surérogatoires et lorsqu'il dit yani, في الفرض yani, c'est-à-dire que la Qibla elle est conditionnée à toute prière obligatoire toute prière obligatoire qu'elle soit en voyage ou bien que la personne soit résident, il lui est obligatoire de prendre Al-Qibla comme naram direction. Celui qui est en voyage ou celui qui est résident, lorsque vient l'heure de prier une des prières qui est obligatoire, c'est wajib alayhi. Il n'a pas d'autre excuse yani, que de s'orienter vers Al-Ka'ba. Quant aux prières surérogatoires, la Qibla elle n'est conditionnée qu'en état de résident. La personne qui est en état de résidence qui n'est pas en voyage, il lui est obligatoire et impératif qu'il s'oriente vers Al-Qibla. Amma celui qui est en voyage, comme cela, Inch'Allah, ça va venir, celui qui est en voyage et qui veut faire un acte yani, surérogatoire, il lui est pas obligé de prendre Al-Qibla comme direction. قال رحمه الله تعالى وهو ركن من أركان الصلاة. Il nous dit que prendre la direction, يعني استقبال الكعبة, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Quant à ce texte ou ce paragraphe, il est plus juste يعني, qu'il soit dit quant au jugement de la Qibla qu'elle est une condition et non un pilier. Elle est une condition et non un pilier. Cheikh Al-Albani ici il a dit wa huwa ruknun min arkan as-salah. Et il aurait été plus juste qu'il dise rahimahullah ta'ala wa huwa shartun min shurut as-salah. Yani c'est une condition parmi les conditions de la prière et non un pilier. Car yani, les savants ils sont tous unanimes que istiqbal al-qibla, le fait de prendre al-Kaaba comme qibla, c'est une condition. Et le fait qu'il soit unanime, c'est une preuve parmi les preuves de l'islam. Deuxièmement, comme on a pu le voir aussi, toute chose ne faisant pas partie intégrante de la prière et dont son délaissement annule la prière, il est dit de, dans la jurisprudence fil fiqh qu'il y a que cette chose-là, elle est quoi ? Est une condition et non pas un pilier. Et non pas un pilier. Et la preuve yani, qui nous prouve cela, yani, la définition de la salat. Yani, la salat, elle est définie auprès des jurisconsultes, yani, al-fuqaha, pour être un ensemble de paroles et de mouvements débutant du takbir et se finissant par ash, al-taslim. Donc tout ce qui est compris entre al-takbir et al-taslim, ça fait partie intégrante de la prière. Et ce n'est pas le cas yani, pour yani, istiqbal al-qibla, le fait de prendre al-qibla comme direction. Car la preuve en est par le الحديث dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم dit يعني في الحديث يعني سبقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر يعني oriente-toi vers la qibla puis fais le takbir. Donc ça nous prouve que يعني استقبال القبلة ça précède le fait que tu fasses le takbir, et le takbir c'est le premier bab, c'est le premier, la première porte يعني de la prière. Donc tout ce qui est en dehors du takbir ou qui précède le takbir, il fait pas partie de la prière. Donc on peut déduire par ce hadith que istiqbal al-Kaaba c'est une condition car elle ne fait pas partie de la prière et elle annule la prière. Elle annule la prière car comme on a pu le voir barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala wa nabi sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de s'orienter. Le fait qu'il nous ordonne de s'orienter vers al-Qibla, ça implique kadhalika l'interdiction de son opposé qui est comme s'il était dit dans le verset ne vous détournez pas de la Qibla. Et comme on a pu voir, lorsque l'interdiction elle est violée, elle implique directement que l'acte d'adoration soit annulé. Donc ça aussi c'est une preuve qui appuie le fait que istiqbal al-qibla al-ka'ba c'est une condition et non un pilier. قال رحمه الله تعالى وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. Il nous dit istiqbal al-ka'ba c'est une chose par laquelle yani se valide l'acte d'adoration, comme on a pu le voir. Yani, précédemment, c'est une condition, et la condition, lorsqu'elle est délaissée, elle annule directement cet acte. قال رحمه الله تعالى ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد. Yani, nous dit Cheikh Al-Albani dans ce texte qu'il n'est pas obligatoire à la personne qui est confrontée au combat, lorsque le combat est dur, lorsqu'il est confronté directement à un combat dur, yani dans, en état de guerre, il n'est pas conditionné qu'il prenne comme direction Al-Qibla. Il n'est pas conditionné pour lui qu'il prenne comme direction Al-Qibla. Et ça, c'est une exception parmi les exceptions dans lesquelles il n'est pas obligatoire de prendre yani, Al-Qibla comme direction. La preuve en est par la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Et si vous redoutez, alors priez en marchant ou sur vos montures. Yani, c'est-à-dire yani, sans vous préoccuper de l'endroit vers lequel vos corps et vos visages sont orientés. Et cela, yani, c'est par unanimité des savants. Les savants sont tous unanimes que la personne qui est confrontée à un dur combat en guerre ou qui redoute yani, de se faire tuer en état de guerre et que l'heure de la prière est venue, il n'y a pas obligatoire qu'il prenne comme direction Al-Qibla. Mais il prie comme il peut sans se préoccuper de l'endroit où son corps et son visage sont orientés. قوله فإن خفتم cela restreint le fait que tu redoutes. Amma la personne qui ne redoute pas, même s'il est en état de guerre, comme c'est le cas de celui qui attaque son ennemi, si jamais il ne redoute pas de son ennemi, même s'il est en état de guerre, il ne lui est pas permis qu'il se détourne de la Qibla. Il lui est conditionné à cette personne-là qu'il prenne la Qibla comme direction. L'exception elle est faite pour celui qui a peur dans le combat. Amma celui qui combat et qui ne redoute pas de son ennemi, il lui est obligatoire qu'ils prennent Al-Qibla comme orientation, au cas yani contraire, sa prière sera annulée. قال رحمه الله تعالى وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشيا خروج الوقت. Il nous dit, كذلك parmi les exceptions qui permet aux musulmans de pouvoir se détourner ou bien dans le cas où استقبال القبلة elle n'est pas conditionnée, elle est celui qui n'a pas la capacité de pouvoir s'orienter vers القبلة. Yani comme c'est le cas, comme une suite là, quel marid, celui qui est marid, ou qui est maintenant sur le lit, il est dans l'hôpital, ou qui ne peut pas bouger, on ne peut pas lui dire lève-toi, et lorsque c'est le moment de prier, lève-toi et dirige-toi vers la prière, non? Car yani, cette personne-là, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et comme on va le voir, Inch'Allah, yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fattakullah mastata'atum, craignez Allah comme vous le pouvez. Et c'est le cas, kazalika, de celui qui est dans un bateau. Celui qui est dans un bateau, ou celui qui est dans une voiture, ou dans un avion, et qui a peur que la salat yani, sorte de son temps, il lui est possible qu'il prie sans se préoccuper de l'endroit où son corps et son visage sont orientés. Tamam. Cheikh ici, il nous dit, « Iza khashiya khuruj al-waqt » Ceci, yani, il veut s'entendre que si jamais il est assuré, il est dans le bateau, ou il est dans un avion, ou bien il est dans sa voiture, il est assuré que, Inch'Allah, il a la possibilité qu'il puisse prier en s'orientant vers Al-Qibla. Dans ce cas-là, il n'est pas possible qu'il prie vers une direction autre que la Qibla. Si jamais il sait que dans une heure, le bateau va s'arrêter et c'est toujours l'heure de la prière, donc yani, il repousse la prière jusqu'à au moment où il va arriver sur le quai, et ensuite, il prend la Qibla comme direction pour prier. Car dans le cas pour celui qui est en voiture, il n'est pas permis qu'il prie en se détournant de la Qibla. C'est pour ça qu'il nous a dit « Iza khashi al-waqt ». Et s'il a peur que l'heure de la prière sort, dans ce cas-là, il ne se préoccupe pas de l'endroit où son corps et son visage s'orientent. Mais si jamais il sait qu'il pourra attraper l'heure de la prière tout en s'orientant vers Al-Qibla, il ne lui a pas permis qu'il se détourne de Al-Qibla. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa amman kana yusalli nafilatan aw witran wa huwa yasiru rakiban dabbatan aw ghayraha. Il nous montre aussi parmi les exceptions dans lesquelles il est permis aux musulmans yani, de ne pas s'orienter ou se détourner de la Qibla. Il nous dit yani, la personne qui prie, nafila, yani, une prière surrogatoire, que ce soit l'huître ou autre. Lorsqu'il est sur sa monture, il y a une chire là, il nous évoque yani, la deuxième exception dans laquelle yani, il n'est plus conditionné à la personne ou aux musulmans de s'orienter vers la Qibla. La première, c'est si jamais il est en état de guerre, si jamais il a peur dans yani, al-ma'raka, yani, fil harb. Et la deuxième, si jamais il est. Il veut prier Al-Nafila et la personne est sur sa monture, il lui est permis qu'il ne prenne pas comme direction Al-Qibla. Si seulement Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala aurait ajouté à ce texte en disant Amman kan yusalli nafilatan aw witran fi safar, ça aurait été mieux. Si jamais il aurait ajouté dans cet écrit-là, en état de voyage, cela aurait été mieux. Car on peut comprendre à travers ses écrits, à travers sa parole, qu'il n'est pas conditionné de s'orienter vers la Qibla. Donc toutes les prières sont rogatoires, parce qu'il dit Amman kana yusalli nafilatan aw witran, yani dans n'importe quelle nafila, yani la personne peut comprendre qu'il soit en état de qu'il soit voyageur ou résident, il peut se détourner de la Qibla. Et ça c'est pas vrai. Et ça c'est pas vrai, car comme j'ai pu vous le faire remarquer, lorsqu'il est résident, la personne yani il lui est obligatoire qu'il prie ou qu'il prenne yani al-Kaaba comme Qibla, que ce soit la prière obligatoire ou surérogatoire ou surérogatoire. Yani la preuve qui nous prouve cela, قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه dans lequel il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فيكبر ثم يصلي حيث كان وجه ركابه رواه أبو داود وحسنه الشيخ مقبل والإمام الألباني رحمه الله تعالى. Dans ce hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani et Cheikh Mokbel, rapporté par Abu Daoud, rahmatullahi alayhi majma'in, le prophète, il nous dit, Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était voyageur et souhaitait faire des nawafil, qui est les actes surérogatoires, il orientait sa monture vers la Qibla, puis priait, puis il faisait le takbir, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se préoccupait pas de l'endroit vers lequel sa monture se dirigeait. Donc ceci nous prouve que tu as droit de ne pas prendre la Qibla comme direction que lorsque tu es en état de voyage, que lorsque la personne elle est voyageur, comme cela est indiqué dans le hadith. Masjid est résident, il lui est permis que de s'orienter vers Al-Kaaba. Il n'a aucune preuve Annie, qui prouve que la personne, Annie, elle est légiférée à la personne qu'il prie en direction autre que la Qibla si jamais il fait une nawafil et qu'il est résident. Et Kazalika, la personne qui marche et qui est voyageur, il lui est pas permis, qui se détourne de la Qibla s'il veut faire une nafila. Il lui est obligé, si jamais il a pied, de prendre comme direction Al-Qibla. Parce qu'il n'y a aucune preuve qui nous prouve ou qui nous indique qu'il est permis à la personne qui est voyageur et qui souhaite faire un nawafil et qui marche, qui peut se détourner de la Qibla. وكما هو معروف يعني لا يجوز يعني للمسلم أن يتعبد لله عز وجل إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى على يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Il est permis à aucun musulman de prendre ou d'œuvrer dans la religion que par preuve et clairvoyance. Et là, il n'y a pas de preuve qui nous prouve que la personne peut prier en marchant même s'il est voyageur. يعني النافلة. قال رحمه الله تعالى ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. Il nous dit, il incombe, il est obligé à toute personne qui aperçoit Al-Kaaba, qui s'oriente ou qui se met face à la Kaaba. وَأَمَّا مَنْ كَانَ غَيْرَ مُشَاهِدٍ لَهَا فَلْيَسْتَقْبِلْ جِهَتَهَا. Et celui qui ne l'aperçoit pas, il lui suffit يعني, qu'il s'oriente vers Al-Kaaba. Même si jamais il n'est pas vraiment en face de Al-Kaaba, il suffit juste يعني, qu'il ait pris la bonne direction, la direction qui est vers le Kaaba, et sa prière, Inch'Allah, elle sera validée. Quant à celui qui aperçoit la Kaaba, il lui est permis que de prier en face d'elle, et cela, c'est par unanimité des savants. Les savants sont tous unanimes sur le fait que celui qui voit le Kaaba, il lui est obligé qu'il prie en face de le Kaaba. Quant à celui qui ne l'aperçoit pas, lui, il se doit de s'orienter vers la direction. Même si jamais il n'est pas vraiment en face de le Kaaba, dans ce cas-là, il n'est pas conditionné à la personne qui soit en face. Mais il lui suffit juste que cette personne-là s'oriente vers Al-Kaaba. Et ça, Kadalika, c'est une unanimité. Il n'y a pas de divergence entre les savants, comme l'a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Certains savants ont été évoqués qu'il est préférable à celui qui aperçoit Al-Qibla qu'il fixe son regard vers la Qibla pendant la prière. Et ceci et cela, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, dans l'annotation qu'il a fait au livre Islah al-Masajid, qui appartient à l'imam Al-Qasimi, il nous dit que ceci, il n'y a aucune preuve sur cela. Il n'y a aucune preuve sur cela que la personne, si elle est en face de la Kaaba, la personne, si elle aperçoit la Kaaba, il doit fixer du regard pendant sa prière à la Kaaba. Non, il n'y a aucune preuve. Donc, Al-Asl, c'est que la personne, lorsqu'elle prie, elle regarde le lieu où elle se prosterne. Il n'y a aucune preuve qui prouve qu'il a le droit de regarder Al-Kaaba, et il n'y a aucune preuve qu'il y a des cas qui prouve que ceci est préférable. Ceci, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, ou comme on peut le comprendre à travers de la parole de Cheikh Al-Albani, il n'y a aucune preuve ni de la Sunna ni du Kitab de la Sunna qui prouve cela, et toute chose qui a été faite sans la permission du Kitab de la Sunna peut être jugée comme étant un acte de bid'ah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ. يعني quel est le jugement de celui qui prie vers un lieu ou un endroit autre que la Kaaba par erreur. Ah, mais celui qui prie se détourne de la Kaaba volontairement, ça c'est par unanimité des savants, il n'y a pas de divergence sur cela que sa prière est batel. Même si jamais cette personne a le fait exprès, on peut même peut-être juger de son acte que c'est un istighfaf, qu'il a pris cet acte comme un acte dérisoire, en gros, il se moque un peu de la religion. Et ça, c'est ma'ruf. Man istakhaffa shay'an min ad-din, fa huwa min al-a'mal allati yakfur bihi sahibuhu. Celui qui prend une chose de la religion par amusement, c'est une chose parmi les choses qui font sortir de la personne, on as'al Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata min, de la religion. Donc il nous dit, hukm as-sala ila ghayri al-ka'bati khata'an, celui qui prie vers une direction autre que la Kaaba, mais par erreur. قال رحمه الله تعالى وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. Il nous dit, celui qui prie vers un endroit, une direction autre que la Kaaba, par cause il y a des nuages ou une chose qui l'empêche de pouvoir connaître la direction de la Kaaba, après qu'il ait fait l'effort de recherche pour cela, il dit, sa prière sera acceptée et valide. Même si jamais il prie dans une direction qui est autre que la Kaaba, si jamais il a fait l'effort de recherche après qu'une chose l'a empêché de pouvoir connaître vraiment la direction de la Kaaba, Cheikh Al-Albani, et comme cela est le cas de l'avis de la majorité des savants, ce qu'ils disent, en gros, il a fait l'effort pour cela. فَاتَّقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مَسْتَطَاعَ فَجَازَ صَلَاهُ. Il a craint Allah comme il le pouvait, et il dit cela, yani, est suffisant pour que juger de sa prière, yani, qu'elle est valide. Certains d'autres savants voient que la personne qui s'est orientée, même après l'effort de recherche, vers une direction autre que la Al-Kaaba, yani, par erreur, ils voient que sa salat elle est batil, elle est annulée, elle est invalide, car ils voient que la condition, l'istiqbal al-Kaaba, le fait de s'orienter vers al-Kaaba, il voit que c'est une condition qui est absolue. Que ce soit un khata'an ou ramdan. Chez certains des savants, celui qui prend une direction autre que la Kaaba, que ce soit par erreur ou bien volontairement, il voit que sa prière, elle est annulée, même si jamais il a fait l'effort de recherche pour cela. Ça, c'est un avis parmi les avis dans cette mas'ala, dans ce sujet-là. Et l'autre avis, et un troisième avis, qui est l'avis qui me semble prépondérant, malgré que c'est pas l'avis de la majorité des savants, et c'est l'avis kazalika de l'imam Malik ou l'imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala alayhima, et que yani, la personne qui a prié vers une direction autre que la Qibla après l'effort de recherche, si jamais le temps il est toujours imparti, il peut toujours encore prier. L'imam Malik Al-Auza'i, il voit qu'il lui incombe à cette personne là il est impératif qu'il recommence la prière. Pourquoi ? Parce que la condition au Estiqbal al-Kaaba, c'est une condition. Il dit, cette condition-là, elle n'a pas été respectée. Même si jamais cela a été fait par erreur, elle n'a pas été respectée. Le temps est toujours valable, il est toujours possible de pouvoir recommencer la salat. Ils disent, donc cela annule la prière. Le fait qu'il n'a pas prié, pour deux choses. Le fait qu'il a, que la condition n'a pas été requise, même si jamais c'est par erreur. Et deuxièmement, le temps, il est toujours imparti. Le temps en est toujours imparti, il a toujours la possibilité de pouvoir recommencer la salat. Donc ils disent, il recommence la salat si jamais il a toujours la possibilité de pouvoir prier dans l'heure. S'il a la possibilité de pouvoir prier dans l'heure, il recommence la salat. Donc on comprend par cela que si jamais il a prié dans une direction autre que la Qibla après l'effort de recherche, et que qaddarallahu ma sha fa'al, la prière est sortie de son temps. Tamam ? Après que la prière est sortie de son temps, il s'est rendu compte qu'il a prié cette prière-là dans une direction autre que Al-Kaaba. Et dans ce cas-là, l'imam Al-Auza'i et l'imam Malik, ils voient que cette personne-là, elle n'a pas à recommencer la prière, car la prière, le temps de la prière, elle est sorti, donc il ne peut pas recommencer une prière dans laquelle son temps n'est plus imparti, le temps est sorti. Donc voilà l'avis qui me semble le plus prépondérant, c'est-à-dire que celui qui prie dans une direction autre que la Qibla, après l'effort de recherche, si jamais le temps il est toujours imparti pour qu'il puisse la recommencer, il lui incombe à cette personne-là qu'il la recommence. S'il ne la recommence pas, c'est comme si jamais il avait délaissé la prière. Et ça, c'est un avis parmi les avis, et qui est l'avis de l'imam Malik, comme on a pu voir, wa l'Auza'i, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala alayhim. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idha jaa man yathiqu bih, wa huwa yusalli fa akhbarahum bi jihatiha, fa alayhi an yubadira ila istiqbaliha wa salatuhu sahiha. Il nous dit, dans le cas où une personne vient l'informer qu'il s'est trompé de direction, il doit s'empresser de prendre la direction à laquelle cette personne-là lui a informé. Sa prière est valide. Sa prière est valide. Et la preuve en est par Hadith ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, alladhi akhrajahu al-imam al-Bukhari wa muslim, annahu qal, baynama an-nas biquba fi salati subh, izdi'atin naham, faqala inna rasulallah, قد أنزلت عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروها إلى الكعبة متفق عليه. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما nous dit dans ce hadith authentique, alors que les gens prient le subh au masjid al-Quba, lorsque vint une personne et dit une révélation a été révélée, ou un verset a été révélé au prophète صلى الله عليه وسلم dans lequel il lui a été ordonné de s'orienter vers Al-Kaaba. Donc orientez-vous vous aussi vers Al-Kaaba. Le visage de ces personnes-là était orienté vers Sham, et ensuite ils ont orienté leur visage vers Al-Kaaba. Ce hadith nous prouve que celui qui s'est orienté vers une direction autre que la Qibla, après l'effort de recherche bien sûr, afin de pouvoir s'y orienter vers Al-Kaaba, puis au cours de sa prière ou de la prière, une personne vient lui informer que la Qibla n'est pas la direction vers laquelle cette personne-là s'est orientée pour faire la prière, puis après cela, cette personne-là s'est empressé de se conformer à l'information qui lui a été donnée avant qu'il achève bien sûr la prière, sa prière elle est acceptée et il n'a pas besoin qu'il la refasse. Celui qui s'est orienté vers une direction autre que la Qibla après l'effort de recherche, c'est très important de restreindre cette mas'ala en disant après l'effort de recherche, car celui qui prie une prière sans faire l'effort de recherche de la Qibla, sa prière elle est invalide si jamais il a prié dans une direction autre que la Qibla. Ah, mais celui qui s'est orienté vers une direction autre que la Qibla après avoir fait l'effort de recherche, ensuite une personne vient informer au cours de sa prière qu'il s'est trompé, cette personne-là s'est empressée de prendre la direction de la Qibla avant qu'il achève la prière, sa prière-là, elle est acceptée. Donc on peut comprendre à travers ma parole que si jamais il s'est orienté vers une direction autre que la Qibla après l'effort de recherche, puis une personne vient lui informer après qu'il ait fini la prière, après qu'il ait fini la prière, en lui disant tu t'es trompé de direction, la Qibla c'est par là. Si jamais il a achevé la prière, cette personne-là, comme on a pu le voir, comme c'est l'avis de l'imam Malik, cette personne-là doit recommencer la prière. Si jamais il a toujours le temps, et il est toujours imparti pour qu'il fasse la prière, il doit la recommencer. Mais si jamais le temps n'est plus imparti, il a certes craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se peut, donc il n'est pas obligé qu'il recommence la prière. Il n'est pas obligé qu'il recommence la prière. Inch'Allah, on va se contenter de ce qu'on a pu évoquer. Avant de conclure le cours, lorsqu'on a évoqué pour celui qui prie, qui est voyageur et qui veut faire un nafila, il lui préférable, si jamais il a une monture, et ça c'est si jamais il a une monture, si jamais il est à pied comme on a pu voir, il n'a pas le droit de prendre une direction autre que la Qibla. Si jamais il a une monture, cette personne-là, il lui préférable, parfois, qui dirige, avant qu'il fasse le takbir, qui dirige sa monture vers la Qibla. Et ça c'est pas une chose qui est conditionnée à chaque fois. S'il veut, il oriente sa monture vers la Qibla, ou s'il veut, directement il prie vers une direction autre que la Qibla. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé qu'il oriente sa monture, que ce soit une voiture ou autre, qu'il l'oriente vers la Qibla. S'il veut, il oriente lors du takbir vers la Qibla, ou s'il veut, il oriente sa monture vers une direction autre que la Qibla. Ces deux choses-là ont été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est préférable de faire cela et préférable de faire cela. Tu peux faire cela et cela. T'es mukhayyab. T'as la possibilité de faire cela et cela. Inch'Allah, naktafi bihada dars. Barakallahu fikum. Et ceux qui ont des questions par rapport au cours, Inch'Allah, qu'ils les posent là. Et si jamais on a la réponse, Inch'Allah, on va répondre. Donc là, une question qui a été posée. Celui qui prie volontairement vers une autre direction que la Kaaba, quel est son jugement ? Le jugement de celui qui prie dans une direction autre que la Kaaba volontairement, sa prière est batil. Et c'est possible que même son islam, il peut être kaaba batil. Pourquoi ? Parce que comme on a pu le voir, celui qui prend par amusement un acte d'adoration dans l'islam, c'est des choses qui font partie de la nawaqid d'islam, et cela par unanimité des savants. Mais amma celui qui prie par erreur dans une direction autre que la Qibla, après avoir fait l'effort de recherche, comme on a pu voir, c'était un sujet de divergence. La majorité des savants, ils voient que celui qui prie dans une direction autre que la Qibla après avoir fait l'effort de recherche, sa prière est valide. Tant qu'à l'imam Malik Walozari, et c'est l'avoué que l'avis que moi, Inch'Allah, je vois qu'il est plus juste, c'est que sa prière est annulée si jamais il a toujours la possibilité de gagner le temps, si jamais la prière n'est pas sortie de son temps, et qu'il a prié dans une direction autre que la Qibla après l'effort de recherche, il recommence la prière. Mais si jamais le temps est sorti, c'est le même avis que la majorité des savants, c'est-à-dire que sa prière elle est valide. La prière elle est valide parce qu'il a fait ce qu'il pouvait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mustata'tum. Amma le fait qu'on dise l'argument par lequel on a, ou les savants ou l'imam Malik al-Auza'i, ils ont dit qu'il est obligé de refaire la prière, c'est que le temps elle est toujours imparti, il peut toujours prier, et il a délaissé une condition parmi les conditions de la salat, qui est estidbal al-qibla, comme la personne qui prie sans wudu. La personne qui prie sans wudu, si jamais il se rappelle après qu'il ait prié qu'il a prié sans wudu, si jamais le temps est toujours imparti, il recommence. C'est la même chose, c'est une condition qui est absolue, et celle-ci aussi est une condition qui est absolue. Il n'y a pas de différence entre les deux. Question, est-ce que les savants ont donné plus de détails par rapport au fait de s'orienter dans la direction de la Qibla quand on ne la voit pas? À quel point l'adoration peut être approximative? Alhamdulillah, c'est ainsi. avec Google ou yani, alhamdoulilah, yani, il y a beaucoup d'applications dans les portables avec lesquelles la personne elle peut savoir maintenant, yani, peut-être même, yani, même s'il ne la voit pas, elle peut être même en face de la qibla. Yani, maintenant, yani, on a des applications qui sont pointilleuses, qui peuvent nous permettre de s'orienter vraiment vers al-qibla, vers al-qibla. Ah, mais celui qui n'a pas la possibilité, comme a dit le Nabi sallam, bayna al-mashriq wa al-maghrib qibla. Yani, vous avez entre l'Orient ou yani, entre l'Est et l'Ouest, yani, pour ceux qui ont al-Madina, vous avez une qibla dans cela. En gros, yani, comme à partir du moment où tu t'es orienté vers la qibla, yani, ça suffit. Tu t'es orienté vers la qibla, même si jamais tu n'es pas vraiment en face, ça suffit. Yani, le dhabit, yani, la norme par laquelle on peut valider la prière de celui qui n'aperçoit pas la qibla, c'est qu'il s'oriente vers la direction de la qibla. La qibla a une direction et lui s'oriente vers cette direction-là. Dans notre mosquée, l'imam prie une direction et les frères dans une autre direction. Non, ça c'est une. Ça c'est une grosse fitna, yani, parce que comme on a pu le voir, yani, certaines des mosquées, à l'époque, elles ont été construites sans ces appareils ou bien ces applications qui sont pointilleuses, qui nous permettent de savoir yani, exactement yani, où est la Kaaba. Dans ces cas-là, yani, il faut leur montrer que vraiment yani, ils sont en train de prier dans une direction autre que la Qibla, et c'est un shart. Et que la Qibla, yani, le prendre la Qibla comme direction, c'est une condition parmi les conditions de la prière qui annule la prière. Donc lui ramener à ces personnes-là les paroles des savants qui montrent yani, que ceci est c'est un acte, yani, le fait de laisser ça annule la prière, et faire preuve de hikmah et de patience avec ces personnes-là. Faire preuve de hikmah et de patience avec ces gens-là. Et si jamais vraiment, les personnes ou les responsables, on va dire, de la mosquée prient dans une direction, et les autres, ils connaissent la direction, ils se sont un petit peu écartés, à partir du moment que c'est toujours vers la même direction, là, Abbas. Même si jamais ils se sont écartés un peu. Mais Inch'Allah, il faut les conseiller. Ça, c'est arrivé à Argenteuil. Et Alhamdoulilah, après, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité la venue de Meshaïr, qui était, je crois, Salim al-Hilali. Cheikh Salim al-Hilali, et alhamdoulilah, les vieux ont accepté. Donc, il y a ramené une personne âgée qui comprend cette mas'ala-là, et peut-être qu'elle aura, bidnillah, azawajal, Allah va lui mettre un kouboul, une approbation dans la parole de cette personne-là, qui va faire que les personnes de la mosquée, Inch'Allah, vont écouter. Donc, dans ces cas-là, si jamais ça ne provoque pas de fitna, celui qui sait où est la qibla, il prie à la qibla, si jamais ça ne provoque pas de fitna. Mais si jamais ça provoque une fitna, et que ces personnes-là se sont orientées, yani, l'orientation elle est toujours yani, vers la Qibla, Inch'Allah, la salat est maqboula, et il faut faire beaucoup de nasih à ces personnes-là. Et s'il a la capacité de prier dans une autre mosquée, il prie dans une autre mosquée. Yani, ça peut provoquer une fitna. Ça peut provoquer une fitna. Le mieux, c'est que, comme j'ai dit, si jamais la direction vraiment, si vraiment yani, la mosquée elle est vraiment yani, dans une direction autre que la Qibla, vraiment yani, une direction vraiment abusée, ben là il faut prévenir les responsables de la mosquée ou l'imam que vraiment là, il est en train de prier vers une direction autre que la Qibla, et l'effort de recherche il est conditionné à la personne qui prie. Lorsqu'il veut prier, l'effort de recherche elle est conditionnée, qu'il sache où il prie. Si vraiment c'est vraiment une direction qui est autre, bah là, il faudrait, à partir du moment où c'est plus la direction de la Qibla, bah, Inch'Allah, il ne faut pas prier derrière cette personne-là. Il trouve une autre mosquée, tu vois. Il prie une autre mosquée, s'il ne trouve pas, Inch'Allah, il prie chez lui. Hein. Ou il prie avec sa famille, ou bien. Si vraiment il n'y a pas de mosquée, ou bien vraiment c'est vraiment, vraiment loin, et que cette mosquée-là, elle est vraiment à l'ouest de la Qibla, khalas. S'il peut prier seul, ou s'il peut recommencer une jama'a dans le masjid sans que ça fasse une fitna, ou sinon il prie chez lui tout seul. Parce que c'est une condition. On peut conclure, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, on a ktafi bihada. Subhanakallah, bihamdik. La ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa fiikum barakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.